Elle marche seule dans la rue, sa démarche de femme vaincue. Son regard semble si perdu, Aga est disparue. Elle semble si résignée, elle ressemble à une condamnée, empoisonnée à mourir, désignée à souffrir. Il était une fois une histoire, une belle histoire qui finit bien. Entre-temps, le mal et l'espoir se mêlent à tous les chagrins. Elle n'a pas dormi de la nuit, se fait des films qui la détruisent. Elle dit ne pas être digne, elle s'y résigne. Il est le mal de ses tourments, il est le bien de ses penchants. Comment ne pas l'oublier, celui que toujours elle attendait. Il était une fois une histoire, une belle histoire qui finit bien. Entre-temps, le mal et l'espoir se mêlent à tous les chagrins. Comme chaque matin depuis ce jour, elle repasse au premier rendez-vous. Cette place qui a changé sa vie et qui l'a aussi détruit. Tout est tellement vide ce matin, pas un seul chat, pas un seul chien. Et puis pèse cette absence, mais au fond d'elle, elle pense qu'il était une fois une histoire, une belle histoire qui finit bien. Entre-temps, le mal et l'espoir se mêlent à tous les chagrins. Alors elle croise son regard, elle décroise ses cauchemars. Elle pensait pas qu'il reviendrait, ni qu'il l'étreindrait. Chaque histoire se termine bien, le noir fuit les lendemains. Une éclatante vie est un droit, exaltante même pour vous et moi. Il était une fois comme bien des fois, une belle histoire qui finit bien. Est-ce nécessaire de dire qu'ici, ils vécurent heureux toute leur vie? Ce n'est juste qu'un conte comme ça, s'il existe, écrivez-moi. Laissez-moi vous raconter maintenant une histoire vraie que je vis à présent. Il était une fois mon histoire, ma belle histoire qui finit bien. Car celle que je désire avoir est dans mes bras chaque matin. Elle m'inonde de son soleil, je m'endors et me réveille auprès d'elle. Pour bien longtemps, car nous vivons heureux avec beaucoup